Il n'y avait plus d'ouragan dehors. Le garçon dormait moins que la fille. Il y avait en lui du veilleur et du gardien. Un bruit de serrure fouillé par une clé lui fit dresser le cou. Ursus revenait. En même temps, un piétinement de quatre pattes. C'était Homo. Étant allé constater la mort de la mère, Ursus interroge l'enfant. « Je voudrais savoir, qui est responsable de cette mort? Sont-ce les hommes ou... » Son œil regarda en l'air, mais au-delà du plafond, et sa bouche murmura « Est-ce toi ?» Puis son front s'abaissa comme sous un poids et reprit « La nuit a pris la peine de tuer cette femme. » Son regard rencontra le visage du garçon réveillé qui l'écoutait. Ursus l'interpella brusquement. « Qu'as-tu à rire ?» Le garçon répondit « Je ne ris pas. » Ursus eut une sorte de secousse, l'examina fixement et en silence pendant quelques instants et dit « Alors, tu es terrible. » « Depuis quand as-tu ce rire ?»« J'ai toujours été ainsi, » dit l'enfant. Ursus se tourna vers le coffre, prit un livre et lut. La bouche fendue jusqu'aux oreilles, les gencives dénudées, tu seras un masque et tu riras toujours. « C'est bien cela, » conclut Ursus. Puis il découvrit que la petite fille était aveugle.